إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله تعالى عز وجل من هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ في قراءة وتعليقات يسيرة على كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، يعني بشرح العلامة الشيخ صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Donc à compte de ce jour, inshallah, on va entamer une nouvelle série de cours qui elle sera tirée du livre de l'explication de Masail al-Jahiliya de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, avec l'explication résumée de Cheikh al-Fawzan rahimahullah ta'ala. D'emblée, j'annonce que inchallah je ne vais pas lire tout ce que ce livre contient comme charh. On va en tirer des passages résumés les plus importants. Certains seront lus en arabe et traduits par la suite, et certains seront traduits directement par souci de gain de temps inchallah ta'ala. Car comme je vous le répète souvent, le travail de traduction prend énormément de temps. On pourrait prendre deux fois plus d'efforts dans un ders s'il était directement fait en arabe ou qu'il n'était fait que en français. Mais là, inshallah, pour profiter de la langue arabe en même temps, pour ceux qui ont certaines bases et apprendre un peu de vocabulaire, la abaisa an naqra ma tayassara lana min asl al-kitab al-arabiyya. Donc ce livre, nous allons le prendre pourquoi ? Pour continuer notre série qu'on avait prise dans les dolos de ce grand imam, de ce grand shaykh, qui sont liés au tawhid. Et celui-ci, principalement, du fait qu'il est lié à beaucoup d'entre nous, parmi ceux qui étaient dans la ma'asi, dans les désobéissances, « Fumastakamu bifadlillah » ou ceux qui étaient « fil kufri » qui étaient dans la mécréance, thumma aslamu ifallillah, qui sont convertis par la suite, et qui ont malgré eux encore des traces en eux, de cette jahiliya, dans leur cœur. Donc là, dans ce livre, il va nous citer certains points qui sont relatifs à ces sujets de la jahiliya, qui étaient présents chez les gens avant l'islam, et il va démontrer justement qu'il faut qu'on s'en débarrasse, et que si on trouve certaines de ces sifat en nous, alors à nous de nous remettre en question, et de faire les causes, pour nous en débarrasser. À nous faire les causes pour nous en débarrasser. Mais d'abord, pour s'en débarrasser, il faut d'abord savoir quels sont ces traits de la jahiliya, car beaucoup les ignorent. Ils font certains actes, comme s'imaginant être bons, ou être normaux, ou être acceptés, et en réalité, ces actes font partie de la jahiliya. Taïb. Donc là, le shir, l'auteur, il dit au Mukaddima, Alhamdulillah Rabbil Alamin sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi Mukaddimat risalati Masail al-Jahiliyyah. Donc là il cite que l'auteur il dit en introduction de sa risala Masail al-Jahiliyyah. Qala rahimahullah ta'ala hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. Donc dans ce livre, il va citer justement des sujets, des points auxquels s'est opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens de la jahiliya parmi les gens du livre, et les Umiyyin qui étaient les arabes qui n'avaient pas de livre comme cela va venir, chose dont le musulman ne peut se passer. ثم ذكر أبياتا فقال فالدد يظهر حسنه والدد فبددها تتبين الأشياء. C'est vrai qu'ils disent que les choses, leur réalité n'apparaissent qu'en connaissant leur opposé. Une chose, tu ne peux réaliser ce qu'elle est sinon en connaissant son opposé. C'est ça le sens de ce verset de poésie. Que c'est en connaissant l'opposé des choses que tu apparaîtras la réalité d'une chose. Par exemple, l'islam, pour connaître sa réalité, il faut connaître son opposé, qui est shirk wa kufr, wa minhu al-jahiliya. Pour savoir quels sont les bons comportements, il faut savoir quels en sont les mauvais. Naam. فقال فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. لما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Donc parmi justement les choses les plus périlleuses parmi ces masses de la jahiliya, les plus dangereuses, c'est le fait que le cœur ne croit pas en ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va l'amener à consentir et à approuver des choses sur lesquelles étaient les gens de la jahiliya. Et cela, c'est la plus grande des pertes. Comme Allah dans le sens où il dit, et ceux qui ont cru au faux et qui ont mécru en Allah, ceux-là sont les perdants. Taïm. Donc de là, le Cheikh, il y a des Cheikh el-Fawzan, Hafizallahu ta'ala, va commencer à commenter ces paroles-là. Qui dit justement que le Cheikh a fait ce livre qui s'appelle Masa'il al-Jahiliya. Masa'il à la base, c'est le diable de Mas'ala. Et Mas'ala, ça peut être une question, un point de vue, un sujet. Et Jahiliya, ça va venir. Donc c'est pas de la Jahiliya auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé. Et ce livre comporte 128 points de la Jahiliya. Il les a résumés dans ce livre, tiré du Kitab de la Sunna et des paroles du genre de science. Et le but en cela, c'est de mettre en attention, en évidence aux musulmans, afin qu'ils s'en éloignent de tous ces points, qui sont extrêmement dangereux pour lui. Donc là, il démontre les points sur lesquels étaient les gens de la Jahiliya, qui sont les Umayyin et les Kitabiyin. Les Kitabiyoun, qui sont-ils? Ce sont les gens de Al-Kitab. Al-Yahoud ou Nassara. Les Al-Yahoud, عندهم Kitab ou Al-Tawra. التي أنزله الله على موسى عليه السلام والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام ابن مريم فلذلك سموا بأهل الكتاب وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم والأسفار القديمة ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد هذا في اصطلاحهم. Donc pourquoi ces gens ont été appelés les gens du livre, les kitabiyin? Car les juifs, qui sont les Yahoud, ont reçu un Torah, qui est descendu sur Moussa, alayhi salam. Et les Nasara, qui sont appelés les chrétiens, eux ont reçu l'Injil, le livre qui est appelé actuellement l'Évangile, qui est descendu sur Isa, alayhi salam. Donc ces gens ont été appelés les gens du livre pour cette raison-là. Et aujourd'hui, la Torah et l'Injil sont réunis en un seul livre qui s'appelle la Bible. Et la Torah, elle, c'est l'Ancien Testament, comme ils l'appellent, et l'Injil, l'Évangile, ils appellent ça le Nouveau Testament, selon leur terminologie. Et à la base, ces deux livres sont deux grands couteaux. Et surtout la Torah, qui est plus grande encore, car l'Injil est venu, mais il est venu pour confirmer la Torah. C'est-à-dire, la base de l'Injil, c'est la Torah, avec des choses nouvelles, qui ont été soit abrogées, ou réalisées. Donc pourquoi les gens du livre ont été cités à part du fait qu'ils ont une base de la vérité avec eux. Des livres leur ont été révélés. أَمَّا الْأُمِّيُّونَ فَالْمُرَادُ بِهِمْ الْعَرَبُ الَّذِينَ لَا يَدِينُونَ بِالْدَيِّنَاتِ أو بِالْدِيَنَّتَيْنِ طيب لا يدينون بالديانتين سموا بالأميين جم أمي نسبة إلى الأم والأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب. Donc les Ummiyoun, eux à la base sont les Arabes qui n'avaient aucune religion, qui n'avaient ni le christianisme ni le judaïsme. Et les Ummiyoun, c'est le pluriel de Ummi. Et à la base les Ummi en arabe c'est l'illettré, qui ne sait ni lire ni écrire. Donc ils étaient un peuple qui ne savait pas lire ni écrire. En majorité, ce n'était pas tous, mais en majorité, ils n'avaient aucun livre qui leur avait été révélé. Comme on dit Ta'ala, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ. Il est celui qui a envoyé chez les Oumiyyin, les illettrés, un messager d'entre eux. Et également, parmi les miracles démontrant la vérité de ce Coran, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était Oumiyyi, c'était un illettré. D'accord? Donc ce livre, aussi grand soit-il, ce qui contient comme sens Et comme éloquence, il n'était pas possible qu'il soit apporté par une personne qui savait ni lire ni écrire. Donc ces arabes étaient illettrés, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال وأما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل والجهل وعدم العلم والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب. Donc la jahiliya, c'est un mot qui est pris à la base du jahl, qui veut dire l'ignorance. Al jahl, c'est l'ignorance. Aks al ilm, d'accord, qui est la force de science, de savoir. Et la jahiliya, c'est ce sur quoi étaient les gens avant que leur provienne un messager ou qu'on leur parvienne un livre. C'est-à-dire avant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il y a à la jahiliya, le shirk, c'est-à-dire différents adillah qui amènent à ce que cela soit blâmable. Toutes les choses qui sont attrait et relatives à la jahiliya sont des choses qui ont été blâmées dans le livre. Fi kitabillahi azza wa jalla. Al-bab al-misal qala ta'ala wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula. Comme il a dit aux femmes, et ne vous pavanez pas à la manière des femmes de la jahiliya. Car les femmes de la jahiliya, elles sortent dans les rues, dénudées, se mélangent aux hommes, et ainsi de suite. Donc on voit aujourd'hui que ce caractère toujours présent chez les femmes en islam est pris d'où ? Des femmes de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en a interdit. Donc ça, c'est encore un point que les gens doivent, sur lequel les gens doivent méditer. C'est sorti de femmes, au milieu des hommes, sans besoin, embellie et qui s'exhibe, tout cela sont des caractères pris de la jahiliya, chose qui ont été interdites. Mais par la suite, comme il le précise lui-même, que les juifs et les chrétiens ont altéré leurs livres, ils ont modifié. Et lui cite le shirk à la base du changement de la religion des chrétiens, c'est à cause d'un homme qui s'appelle Boulas. En fait, Boulas, nous, c'est l'équivalent de Paul, qui était un juif plein de haine envers Isa alayhi salam. Et cet homme-là a comploté et s'est fait passer pour un chrétien, pour un croyant, afin de pouvoir détruire la religion de l'intérieur. Et il y a ajouté dans ce livre des choses de la mécréance, des choses du shirk, des choses liées au mythe et à l'adéka, et il a altéré la religion. Et les gens l'ont cru en cela. Au plus pour un savant et un homme pieux. C'est lui qui a porté l'esprit de la Trinité, par exemple. C'est lui. De ce que le shir dit ici. Hamdallahu ta'ala. Il y a porté également des innovations, des choses nouvelles avec lesquelles Isa alayhi salam n'est pas venu. Donc là, on voit encore qui est la base du mal, ce sont les juifs. Tout comme aujourd'hui en islam, la base, la secte attribuée à l'islam la plus mauvaise, c'est les Rafidah, dont l'origine est tirée une croyance des juifs. Abdullah ibn Saba, qui était un juif, qui s'est fait passer pour un musulman, mais qui en réalité s'est converti en apparence, mais qui était un munafiq, afin de détruire l'islam de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il dit que la religion, la vraie religion, avec laquelle Isa est venu et Moussa alayhi salam est venu, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, elle n'existait plus. Il y avait des gens qui pensaient être sur la vérité, mais la religion pure telle qu'elle était, a été apportée par ses messagers, avait disparu, n'existait plus. Et par contre, il y avait un groupe de ces arabes, comme il le cite, Kanu ala Hanafiya, qui était sur la Hanafiya, qui était la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et tout particulièrement dans le Hijaz, sur la terre de Mecca, Al-Mukarrama. Après, il cita comment le shirk est apparu au milieu des Arabes sur terre, fi ard al-Hijaz. Il dit que c'est un homme, comme cela fut rapporté également dans le Bukhari, dans un hadith autant que chez le Bukhari, un homme qui s'appelle Amr ibn al-Huyay al-Jaza'i, qui était un roi parmi les gens du Hijaz, et qui faisait justement apparaître une certaine attache à l'adoration et à la réforme. Il s'est rendu au pays du Shem pour se soigner. Et de là-bas, il a trouvé les gens du Shem qui adoraient des idoles. Et cela lui a plu. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu du Shem avec certaines de ses idoles. Et après, il est parti déterrer les idoles qui étaient adorées anciennement par le peuple de Nour. Comme Sawa, Waya'uth, Waya'uq, Wa Nasr, Wa Ghaliha. Donc là, il les a toutes remises à leur place autour de la Kaaba. Et appeler les Arabes à les adorer. Donc les gens sont retournés dans le shirk. Malheureusement. Il y a déjà fait hadith. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ra'aytu Amr ibn Amir ibn Hay al-Jaza'i yajurru qasbahu fi an-nar wa kana awwal man sabbaba as-sawa'im. Muttafaqun alayhi. Le hadith muttafaqun alayhi. Que j'ai vu justement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu Amr ibn Amir al-Huyay al-Juzai tirer ses boyaux dans le feu, qui a été le premier à avoir remis à jour le shirk. Donc le shirk reprend en disant que le monde entier, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était dans ce qu'on appelle une forme d'obscurantisme, de ténèbres et d'ignorance totale. Entre les gens du livre et les Ummiyoun. Donc par là, Allah, pour sa grande miséricorde, Ba'afa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yukhrijannas min adh-dhulumati ila an-nur. Que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir Muhammad par sa grande miséricorde afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Comme qu'a dit Ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim asuran min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Que Allah a certes gratifié les croyants lorsqu'il envoya en eux un messager de eux-mêmes qui leur récitait ces versets et qui les purifiait et qui leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse, c'est la sunna. Alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Après, le shirk, c'est un différent trait qui, eux, sont relatifs à la jahiliya, dont, before l'Illah, on a pu faire une muhadara, une kalima autour de ce sujet. Qui elles sont liées, qui étaient plutôt liées elles au racisme, xénophobie, esprit de clan, dans laquelle se trouvaient beaucoup des gens, ou on va dire la plupart des gens à cette époque, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vienne. Et le racisme, c'est un parmi les points de la jahiliya, elle est beaucoup plus large que cela. C'est un point parmi les points de la jahiliya, et n'est pas toute la jahiliya, bien entendu. Car le racisme n'est pas de la mécréance en soi, directement. Alors que la jahiliya, elle l'est, dans son essence même. Mais il y a des points tirés de la jahiliya. Toujours présent sur les musulmans, comme le fait justement, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Arba'un min jahiliya, d'accord, fi ummatihi. Quatre choses de la jahiliya, les musulmans ne laisseront pas, qui sont At-tanf al-ansab, wal-fakh bil-ahsan, wal-istisqa bil-nujum, wa al-niyaha al-mayyit. Ils sont le fait de se vanter, de s'aligner, le fait de critiquer celle des autres, d'accord, les ancêtres des autres, leur race, le fait de demander la descente de pluie par les étoiles, et le fait de se lamenter en criant, en déchirant ses vêtements sur les morts. Ces quatre points-là, de la jahiliya, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuera à les avoir en elle, malheureusement. Donc maintenant aujourd'hui, même en dehors de ces quatre points, toujours des choses liées à cette jahiliya sont présentes au milieu des gens. M. Mohammed ibn al-Wahhab va en citer 128 afin de prévenir les musulmans de leur mal et de faire attention qu'ils ne le retrouvent en eux et qu'ils ne le revivifient en les pensant comme étant bien ou comme étant des choses anodines et vaines. Yani sans importance. ثم الشيخ الفوزان قال بعد هذا ولهذا لا يجوز. Yani après qu'il ait dit justement que la jahiliya, à la base, de façon générale, c'est un terme qu'on ne peut plus employer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jahiliya de façon générale sur terre, depuis la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit qu'il n'est pas permis de dire que les gens sont dans la jahiliya ou que le monde est dans la jahiliya, car cela amènerait à renier la présence de la risala de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la sunna. Donc le fait de dire cela dans l'absolu n'est pas permis, car la jahiliya, l'époque de la jahiliya est terminée. Par contre il dit amma an yuqal fi ba'd an-nas jahiliya aw fi ba'd al-ashkhas jahiliya aw hunak خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود. ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة. Par contre, de dire que certains individus ont encore en eux de la jahiliya, ainsi de suite, ou qu'il y a encore certaines caractéristiques de la jahiliya, alors cela est toujours présent. Et qu'il y a une différence entre le fait de faire cela, en faire une généralité dans l'absolu, et de particulariser sur certaines personnes et certains points. Et également, certains ulama disent que par rapport à celui qui était, qui ne connaissait pas l'islam en lui-même, lui, qui ne connaissait rien de l'islam, on peut dire que lui, il vient de la jahiliya par rapport à sa personne à lui, et pas du monde entier. Lui, nisbiyanlah, kana fi jahiliyatin. Cet homme-là était dans une jahiliya par rapport à son mode de vie. Il ne connaissait pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas le Coran, il ne connaissait rien du tout. Là, c'est pas propre à lui. Mais le monde, de façon générale, la jahiliya est terminée. Cette époque est terminée, bifadlillahi ta'ala. Donc cette jahiliya, ses points, il faut les connaître. Donc quand les shaykhs, فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها لأن الشيطان ما نسيها ولا نما عنها يدعو إليها. Et que si jamais la personne ne connaît pas ces points de la jahiliya, alors il sera propre à y tomber. Il sera plus apte à y tomber. Car Shaitan, lui, ne dort pas. Et n'a pas oublié ces points de la jahiliya et s'efforce autant qu'il peut à les faire revivre et y appeler. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'ai pas lu toute la Mukaddima de Shir, car elle était un peu longue, mais l'essentiel a été évoqué, bifadlillahi ta'ala. Et par la suite, nous allons rentrer, inshallah, dans le batn, dans le livre d'origine, avec l'explication de Shir, toujours, et comme on l'expliquait, de façon résumée, certains paragraphes les plus importants, bismillah ta'ala, et si on veut faire un ta'liq, alaqna alayhi. Abbi hadal qadr naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.